demande si mon zeb il est louable. Elle demande si mon zeb il est louable. Louable. Je lui dis non madame, t'es trop dégueulasse. Elle voulait du Chanel, Dior ou Mac Douglas. Douglas. Ce qu'elle s'est passé, je vais jamais lui khalas. Khalas, dégage ton produit, il est dégueu. Même pas Rabat, je mets un méga, si j'en mets deux. Même pas Khabta, Khabat. Même pas Khabta, Khabat. On n'a pas l'habitude de fumer du pneu. À quoi la frappe, t'as le monsieur. Pardon messieurs, mais vos reçus, mais vos remets, je vais les baiser. Fuck les blues, nous c'est Lyonzou. Lyonzon, à Lyon sèche, je suis le best. On est le best, on est le best. Et on les baisse. Fuck ces fils de nous c'est Lyonzon. City, gang gang. Lyonzon, City, gang gang. Gang gang. Sans rien à 50 mètres. Avec mon lion, sans j'arrive. Dans du 50 mètres, je ramène mes parents entre eux. Les minotes, la partie. On les prend en 69. Minotes en 69. Dans le 69. 69. Dans le 69. Minotes en 69. Dans le 69. 69, dans le 69. Un peu bizarre depuis la conception. Mi autobot et mi décepticon. En une heure j't'ai mis côté avec cette déception. J'suis à la passer à la réception. Touchdown comme les Seahawks. J'suis violet comme mon sirop. On est OG comme le sirop. J'ai le sérum froid dans le sang, fréquence zéro sous tes rênes. Oublie jamais qu'on chassera pour tes ailes. J'oublie pas que le daron a dû renoncer à tous ses rêves. Je m'en tape de savoir si tu m'aimes, si je vois pas que tu m'aides. C'est l'humain avant le rap. Ils étaient qui avant la trappe. Et la trappe on l'a fait mieux que quand même. Même quand j'ai pris sans thème, y'a des couleurs et des contrastes, y'a des roses, des chrysanthèmes. Des enfants encore dans leur chrysalide. À la vue du monde extérieur, gros sacré à l'aide. Je veux finir sous cryogène, y'a comme un plus dans nos gènes. On va très bien pour les gènes. Des enfants encore dans leur chrysalide. À la vue du monde extérieur, gros sacré à l'aide. Moi je veux finir sous les cryogènes, y'a comme un plus dans nos gènes. On va très bien pour les gènes. Sans radia 50 mètres. Avec mon lion, sans j'arrive. Dans du 59, je ramène mes parents entre eux. Les minotes, la partie, on les prend en 69. Minotes en 69, dans le 69. 69, dans le 69. Minotes en 69, dans le 69. 69, dans le 69. Si pas dans le cupis, non c'est pas du cassis. Si pas dans le cupis, non c'est pas du cassis. On tape des vrais trucs, toi tu te branches sur des cassettes. En 30 minutes on écrit nos classiques. Capri n'a pas de CB, quand on rentre en Uber c'est elle qui ralasse. Plus tard je veux tout mon lionzon dans un valas. Rina en 6-9, c'est elle qui ramasse. Le cuistot a tous les ingrédients sur la paillasse. Trois fénères pour ta dose, parle pas falla. Guapo, quiconque du loto. On est dans de la vraie verte qualité des pays bas. En France, toi tu copes là où les prix sont plus hauts. Là où les prix sont plus hauts. Sans radia 50 mètres. Avec mon lion, sans j'arrive. Dans du 50 mètres, je ramène mes parents entre eux. Les minotes, la partie. On les prend en 69, minotes en 69, dans le 69, 69, dans le 69, minotes en 69, dans le 69, 69.